4. Restif communiste, sa vie pendant la Révolution. On sait maintenant sur la vie étrange de Restif tout ce qu'il faut pour le classer assurément parmi ces écrivains que les Anglais appellent excentriques. Aux détails caractéristiques indiqués çà et là dans notre récit, il est bon d'ajouter quelques traits particuliers. Restif était d'une petite taille, mais robuste et quelque peu replé. Dans ses dernières années, on parlait de lui comme d'une sorte de bourru, vêtu négligemment et d'un abord difficile. Le chevalier de Cubière sortait un jour de la Comédie-Française. En chemin, il s'arrêta chez la veuve Duchesne pour acheter la pièce à la mode. Un homme se tenait debout au milieu de la boutique avec un grand chapeau rabattu qui lui couvrait la moitié de la figure. Un manteau de très gros drap noirâtre lui descendait jusqu'à mi-jambe. Il était sanglé au milieu du corps, avec quelques prétentions sans doute à diminuer son embonpoint. Le chevalier l'examinait curieusement. Cet homme tira de sa poche une petite bougie, l'alluma au comptoir, la mit dans une lanterne et sortit sans regarder ni saluer personne. Il demeurait alors dans la maison. « Quel est cet original ?» demanda Cubière. « Et quoi, vous ne le connaissez pas ?» lui répondit-on. « C'est Restif de la Bretonne. » Pénétré d'étonnement à ce nom célèbre, le chevalier revint le lendemain, curieux d'engager des relations amicales avec un écrivain qu'il aimait à lire. Ce dernier ne répondit rien au compliment que lui fit l'écrivain musqué si chéri dans les salons du temps. Cubière se borna à rire de cette impolitesse. Ayant eu plus tard l'occasion de rencontrer Restif chez des amis communs, il vit en lui un tout autre homme plein de verve et de cordialité. Il lui rappela leur première entrevue. « Que voulez-vous, dit Restif, je suis l'homme des impressions du moment. » J'écrivais alors le hibou nocturne, et voulant être un hibou véritable, j'avais fait vœu de ne parler à personne. Il y avait bien aussi quelque affectation dans ce rôle de bourru, renouvelé de Jean-Jacques. Cela excitait la curiosité des gens du monde, et les femmes du plus haut rang se piquaient d'apprivoiser l'ours. Alors il redevenait aimable. Mais ses galanteries à brûle-pourpoint, son audace, renouvelée de l'époque, où il jouait le rôle d'un faux-blas de bas étage, effrayait parfois les imprudentes forcées d'écouter tout à coup quelques boutades cyniques. Un jour, il reçut une invitation à déjeuner chez M. Sénac de Meillan, intendant de Valenciennes, avec quelques bourgeois provinciaux qui désiraient voir l'auteur du Paysan perverti. Il y avait là en outre des académiciens d'Amiens et le rédacteur de la Feuille de Picardie. Restif se trouva placé entre une Madame Denis, marchande de mousseline rayée, et une autre dame modestement vêtue, qu'il prit pour une femme de chambre de grande maison. En face de lui était un jeune provincial, plaisant, qu'on appelait Nicodème. Puis un sourd qui amusait la société en parlant çà et là de choses qui n'avaient aucun rapport avec la conversation. Un petit homme propre, affublé d'un habit en camelot blanc, faisait l'important et traitait de faribole les idées politiques et philosophiques qui mettaient le romancier. Une Madame Laval, marchande de dentelle, de malines, le défendait au contraire et lui trouvait du fond. On était alors en 1789, de sorte qu'il fut question pendant le repas de la nouvelle constitution du clergé, de l'extinction des privilèges nobiliaires et des réformes législatives. Restif, se voyant au milieu de bonnes gens bien ronds et qui l'écoutaient en général avec faveur, développa une foule de systèmes excentriques. Le sourd les hachait de coq à l'âne d'une manière fort incommode. L'homme en camelot blanc les perçait d'un trait vif ou d'une apostrophe pleine de gravité. On finit, selon l'usage d'alors, par des lectures. Mercier lut un fragment de politique. Le Grand aussi eut une dissertation sur les montagnes d'Auvergne. Restif développa son système de physique qu'il proclamait plus raisonnable que celui de Buffon, plus vraisemblable que celui de Newton. On se jeta à son cou, on proclama le tout sublime. Le surlendemain, l'abbé Fontenay, qui s'était trouvé aussi au déjeuner, lui apprit qu'il avait été victime d'un projet de mystification dont le résultat du reste avait tourné à son honneur. La marchande de mousseline était la duchesse de Luynes. La marchande de dentelle était la comtesse de Laval. La femme de chambre était la duchesse de Mailly. Le Nicodème, Mathieu de Montmorency. Le sourd, l'évêque d'Autun. L'homme en camelot, l'abbé Sieyès, qui, pour réparer la sévérité de ses observations, envoya à Restif la collection de ses écrits. On avait voulu voir le Jean-Jacques des Halles dans toute sa fougue et dans toute sa désinvolture cynique. On ne trouva en lui qu'un conteur amusant, un utopiste quelque peu téméraire, un convive assez peu fait aux usages du monde pour s'écrier que c'était la première fois qu'il mangeait des huîtres, mais prévenant avec les dames et s'occupant d'elles presque exclusivement. Si en effet quelque chose peut atténuer les torts nombreux de l'écrivain, son incroyable personnalité et l'inconséquence continuelle de sa conduite, c'est qu'il a toujours aimé les femmes, pour elles-mêmes, avec dévouement, avec enthousiasme, avec folie. Ses livres seraient-ils lisibles autrement? Mais bientôt, nous voici en pleine révolution. Le philosophe qui prétendait effacer Newton, le socialiste dont la hardiesse étonnait l'esprit compassé de Sieyès, n'était pas un républicain. Il lui arrivait, comme aux principaux créateurs d'utopie, depuis Fénelon et Saint-Pierre jusqu'à Saint-Simon et Fourier, d'être entièrement indifférent à la forme politique de l'État. Le communisme même, qui formait le fond de sa doctrine, lui paraissait possible sous l'autorité d'un monarque, de même que toutes les réformes du pornographe et du gynographe lui semblaient praticables sous l'autorité paternelle d'un bon lieutenant de police. Pour lui, comme pour les musulmans, le prince personnifiait l'État propriétaire universel. En tenant contre la femme propriété, c'est le nom qu'il lui donne mille fois, il admettait la possession personnelle transmissible à certaines conditions, et jusqu'à la noblesse, récompense des belles actions, mais qui devait s'éteindre dans les enfants, s'il n'en renouvelait la source par des traits de courage ou de vertu. Dans le second volume des Contemporaines, Restif donne le plan d'une association d'ouvriers et de commerçants qui réduit à rien le capital. C'est la banque d'échange dans toute sa pureté. Voici un exemple. 20 commerçants, ouvriers eux-mêmes, habitent une rue du quartier Saint-Martin. Chacun d'eux est le représentant d'une industrie utile. L'argent manque par suite des inquiétudes politiques, et cette rue, autrefois si prospère, est attristée de l'oisiveté forcée de ses habitants. Un bijoutier orfèvre, qui a voyagé en Allemagne, qui y a vu les airs nuts, conçoit l'idée d'une association analogue des habitants de la rue. On s'engagera à ne se servir d'aucune monnaie et à tout acheter ou vendre par échange, de sorte que le boulanger prenne sa viande chez le boucher, s'habille chez le tailleur et se chausse chez le cordonnier. Tous les associés doivent agir de même. Chacun peut acquérir ou dépenser plus ou moins, mais la succession retourne à la masse, et les enfants naissent avec une part égale dans les biens de la société. Ils sont élevés à frais communs dans la profession de leur père, mais avec la faculté d'en choisir une autre, en cas d'aptitude différente. Ils recevront du reste une éducation semblable. Les associés se regarderont comme égaux, quoique quelques-uns puissent être de profession libérale, parce que l'éducation les mettra au même niveau. Les mariages auront lieu de préférence entre des personnes de l'association, à moins de cas extraordinaires. Les procès seront soutenus pour le compte de tous. Les acquisitions profiteront à la masse, et l'argent qui reviendra à la société, par suite de ventes faites en dehors d'elle, sera consacré à acheter les matières premières, en raison de ce qui sera nécessaire pour chaque État. Tel est ce plan que l'auteur n'avait pas du reste l'idée d'appliquer à la société entière, car il donne à choisir entre différentes formes d'association, laissant à l'expérience les conditions de succès de la plus utile, qui absorberait naturellement les autres. Quant à la vieille société, elle ne serait point dépouillée, seulement elle subirait forcément les chances d'une lutte qu'il lui serait impossible de soutenir longtemps. Cependant l'écrivain vieillissait, toujours morose de plus en plus, accablé par les pertes d'argent, par les chagrins de son intérieur. Sa seule communication avec le monde était d'aller le soir au café Manoury, où il soutenait parfois à voix haute des discussions politiques et philosophiques. Quelques vieux habitués de ce café, situé sur le quai de l'école, ont encore présent à la mémoire sa vieille houppelande bleue et le manteau crotté dont il s'enveloppait en toute saison. Le plus souvent, il s'asseyait dans un coin et jouait aux échecs jusqu'à 11 heures du soir. À ce moment, que la partie fût achevée ou non, il se levait silencieusement et sortait. Où allait-il? Les nuits de Paris nous l'apprennent. Il allait errer quelque temps qu'il fit, le long des quais, surtout autour de la cité et de l'île Saint-Louis. Il s'enfonçait dans les rues fangeuses des quartiers populeux, et ne rentrait qu'après avoir fait une bonne récolte d'observations sur les désordres et les scènes sanglantes dont il avait été le témoin. Souvent il intervenait dans ces drames obscurs, et devenait le Don Quichotte de l'innocence persécutée ou de la faiblesse vaincue. Quelquefois il agissait par la persuasion. Parfois aussi son autorité était due au soupçon qu'on avait qu'il était chargé d'une mission de police. il osait davantage encore en s'informant auprès des portiers ou des valets de ce qui se passait dans chaque maison, en s'introduisant sous tel ou tel déguisement dans l'intérieur des familles, en pénétrant le secret des alcôves, en surprenant les infidélités de la femme, les secrets naissants de la fille, qu'il divulguait dans ses écrits sous des fictions transparentes, de là des procès et des divorces. Un jour, il faillit être assassiné par un certain E, dont il avait fait figurer la femme dans ses contemporaines. C'était habituellement le matin qu'il rédigeait ses observations de la veille. Il ne faisait pas moins d'une nouvelle avant le déjeuner. Dans les derniers temps de sa vie en hiver, il travaillait dans son lit faute de bois, sa culotte par-dessus son bonnet, de peur des courants d'air. Il avait aussi des singularités qui variaient à chacun de ses ouvrages, et qui ne ressemblaient guère aux singularités en manchette d'Haydn et de M. de Buffon. Tantôt il se condamnait au silence, comme à l'époque de sa rencontre avec Cubière. Tantôt il laissait croître sa barbe, et disait à quelqu'un qui le plaisantait « Elle ne tombera que lorsque j'aurai achevé mon prochain roman. Et s'il y a plusieurs volumes, il en aura 15. Vous ne vous raserez donc que dans 15 ans ? Rassurez-vous, jeune homme, j'écris un demi-volume par jour. » Quelle fortune immense il eut faite de notre temps en luttant de vitesse avec nos plus intrépides coureurs du feuilleton et de fougue triviale avec les plus hardis explorateurs des misères de bas étage. Son écriture se ressent du désordre de son imagination. Elle est irrégulière, vagabonde, illisible. Les idées se présentent en foule, pressent la plume, et l'empêchent de former les caractères. C'est ce qui le rendait ennemi des doubles lettres et des longues syllabes, qu'il remplaçait par des abréviations. Le plus souvent, comme on sait, il se bornait à composer à la casse son manuscrit. Il avait fini par acquérir une petite imprimerie où il casait lui-même ses ouvrages, aidé seulement d'un apprenti. La Révolution ne pouvait lui être chère d'aucune manière, car elle mettait en lumière des hommes politiques fort peu sensibles à ses plans philanthropiques, plus préoccupés de formules grecques et romaines que de réformes fondamentales. Babeuf aurait pu seul réaliser son rêve. Mais, découragé de ses propres plans à cette époque, Restif ne marqua aucune sympathie pour le parti du tribun communiste. Les assignats avaient englouti toutes ses économies, qui ne se montaient pas à moins de 74 000 francs, et la nation n'avait guère songé à remplacer, pour ses ouvrages, les souscriptions de la cour et des grands seigneurs dont il avait usé abondamment. Toutefois, Mercier, qui n'avait pas cessé d'être son ami, fit obtenir à Restif une récompense de 2 000 francs, pour un ouvrage utile ou meurt, et le proposa même pour candidat à l'Institut national. Le président répondit dédaigneusement « Restif de la Bretonne a du génie, mais il n'a point de goût. » « Et messieurs, répliqua Mercier, quel est celui de nous qui a du génie ?» On rencontre dans les derniers livres de Restif plusieurs récits des événements de la Révolution. Il en rapporte quelques scènes dialoguées dans le 5e volume du Drame de la vie. Il est à regretter que ce procédé n'ait pas été suivi plus complètement. Rien n'est saisissant comme cette réalité prise sur le fait. Voici un exemple, une scène qui se passe le 12 juillet devant le café Manoury. Un homme, des femmes. « Lambesque, Lambesque, on tue aux Tuileries !» Une marchande de billets de loterie. « Où courez-vous donc ?» Un fuyard. « Nous remmenons nos femmes !» La marchande. « Laissez-les s'enfuir seules et faites votre face !» Son futur. « Allons, allons, rentrez !» Il n'y a rien de plus que ces 5 lignes. On sent la vérité brutale. Les dragons de Lambesque qui chargent au loin. Les portes qui se ferment. Une des scènes d'émeute si communes à Paris. Plus loin, Restif met en scène Collot d'Herbois. Il le félicite de son paysan magistrat. Mais Collot n'est préoccupé que de politique. « Je me suis fait jacobin, dit-il. Pourquoi ne l'êtes-vous pas ?»« À cause de 3 infirmités très gênantes. »« C'est une raison. Je vais me livrer tout entier à la chose publique, et je ne perdrai ni mon temps ni mes peines. D'abord, je veux m'attacher à Robespierre. C'est un grand homme. »« Oui, invariable. » Collot continue. « J'ai l'usage de la parole, j'ai le geste, la grâce dans la représentation. » J'ai eu l'émotion à faire trembler les rois. Je viens de faire l'almanach du père Gérard. Excellent titre. Je tâcherai d'avoir le prix pour l'instruction des campagnes. Mon nom se répandra dans les départements. Quelqu'un d'eux me nommera. La silhouette de Collot d'Herbois n'est-elle pas là tout entière? Mais l'auteur ne s'en est pas tenu toujours à ses portraits rapides. Et à côté de ses esquisses fugitives, on trouve des pages qui s'élèvent presque à l'intérêt de l'histoire, comme celle qu'il consacre à Mirabeau, et que cette grande figure semble avoir illuminé de son immense reflet.